que dans mon Walkman. C'est pour le hardy. K-E-R-V-I-D-J-I. Ok. C'est paumé sur un quai de gare que j'évalue la scène. Je repense à la dernière galette de l'eau, mais va d'éclate une camélale et je gratte une anecdote. L'épreuve c'est l'ovulation, ça y est, je pars sur Namek. Fuck les leurs, j'ai le volume à fond. Obturation minimale, quand vite j'échoute la ville morte, le temps file. Moi je prie qu'ils nous rendent vite ce qu'il nous a pris de force. Putain, face aux exactions, pas de remède, j'observe ma David. Je crois bien que ma seule réaction sera le rejet, comme SKL, fils. Je compte les ans défiler. Quand c'est pour l'oseille gros, je veille au rendez-vous professionnel complètement déguisé. J'essaie de faire des connexions, j'essuie des disques d'inepties. Je médite, les gars en plus, l'esprit des pites et que suis d'équipe, c'est triste. Ouais, ouais. T'as perdu ton esprit d'équipe, c'est triste. Perdu ton esprit d'équipe. J'ai besoin d'exprimer mon ressenti, désigner l'attrait que j'ai pour la zig. Malgré le transit d'informations dont mon cerveau fait l'objet. Pas de phrase pessimiste, apprécie mes qualités, mes principes, c'est sincère, intrinsèque. Je m'apprête à traiter mes problèmes obscènes, émotifs, non. Je rappe avec les tripes, pas traîtrise et c'est vérifié. Quand j'ai l'inspi facile, pas besoin de complexifier. Contre les figures de style, c'est fondé. Dès le départ, pas de débat, c'est compris, clair et concis. Je garde jamais les sourcils froncés. On se démène dans la fonce des thèmes d'abandonner. Des sources dédaignent de parler, des manies déteignent la même. Scène, la scène, ça sent mauvais. Quand le ciel clair devient gris, j'imbrique. Les phrases entre elles, les barres s'enchaînent, se répètent comme les lundis. Je veux faire flancher l'assistance bloquée entre la chance et les abysses. Mets tes habits salissant la fin d'un cycle et j'alimente mes discours en grattant la nuit à la case des parents. T'as dit, je gratte des pages, mais pas sans racine. Gage, prends mon envol au loin dans la plénitude. Je fais le plein de mots avec ça, j'obtiens quelques pots de vin et j'évite des disputes. Je réfléchis jamais, le génie pur ni mes issues se sont envolés. Des mots diffusés dans l'air sans faire la triste figure. Et l'issue est brutale. Jusqu'à ce que sonne ma mort, à force d'adorer jouer les cadors, je vois que t'en zappes la bonne parole. Je reste à mort quand tu galopes à toute vitesse dans le vide, en prise et forte. J'enfile l'époque d'Olive et Tom, la hantise de grandir se fait sentir. Ouais, ouais, la hantise de grandir se fait sentir. La hantise de grandeur se fait sentir.